Audiomatique. Pour amorcer la transmission 5-3-0 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la formation australienne Sleep Makes Waves. Du mini-album Not an Exit, paru en 2020, nous écoutions la pièce These Are Not Your Dreams. Cette pièce est également la pièce-titre de l'album These Are Not Your Dreams de Sleep Makes Waves, qui comprend les trois mini-albums No Safe Place, Out of Hours et Not an Exit, tous sortis en 2020. Et maintenant, c'est au tour du groupe anglais Yindi Alda d'assurer la continuité à Audiomatic. Nous avions droit à Audiomatic, au groupe anglais Yindi Alda, de son album intitulé Under Summer et sorti en 2016. Nous vous avons offert la composition Elena. Audiomatic se poursuit cette fois avec le groupe australien We Lost the Sea. Il s'agissait à Audiomatique du groupe australien We Lost the Sea, de son quatrième album studio Triumph and Disaster, lancé en 2019. Nous vous présentions la pièce Towers. En conclusion de cette transmission 5-3-0 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la formation suisse The Eupatoria Report. De son premier album intitulé Golevka et lancé en 2005, nous écouterons la pièce Dipole Experiment. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici The Eupatoria Report et la pièce Dipole Experiment. C'était Audiomatique avec les sonoristes.